Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Chypre, la tentation du Nil. Pays le plus ensoleillé d'Europe, attirant les touristes ne serait-ce que pour cette raison, Chypre pourtant n'est pas un pays tranquille. Sous ses airs nonchalants, celle qui accueillit la naissance de la déesse Aphrodite est en fait une île déchirée. Ballotté entre le Royaume-Uni, qui en tant qu'ancien colonisateur a conservé des bases arrières, la Grèce, qui revendique son héritage ancestral, et la Turquie, qui envoisine la plus proche lorgne sur son territoire avec avidité, Chypre est la proie de toutes les convoitises. Alors quand en 1960, elle acquiert son indépendance, elle pense enfin devenir un véritable État, souverain. Pourtant, le 20 juillet 1974, en réponse à un coup d'état des colonels grecs 5 jours plus tôt, la Turquie lance l'offensive et envahit le nord de Chypre. Nom de code, opération Attila. Ce jour-là, le destin de Chypre bascule. En moins de 2 mois, les animosités se réveillent, les vieilles rancœurs se ravivent, les morts se comptent par milliers et l'île est à jamais divisée. 1974, ou l'été meurtrier des Chypriotes. Notre invitée aujourd'hui, Magali Gruel-Diodé, docteur en histoire contemporaine, spécialiste des questions européennes et internationales, actuellement enseignante à l'Université de Lumière Lyon 2 et à Genève. Elle est l'autrice du livre intitulé « Chypre et l'Union Européenne, mutations diplomatiques et politiques » aux éditions L'Harmattan. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Stéphanie Fromentin, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Lancaster House, where peace for Cyprus was finally evolved. Après 3 ans d'exil, l'archevêque Makarios arrive enfin sur le tarmac de l'aéroport de Nicosie. Parmi les premières personnalités à l'accueillir, les évêques de Kitiomé et Salamis. Cet homme a tant fait pour parvenir à un accord. C'est incroyable. Qui aurait cru il y a seulement quelques semaines que ce jour arriverait et que la paix reviendrait sur cette île charmante, si longtemps ravagée par la guerre? Le 19 février 1959, Chypre est dans l'allégresse. Elle vient de mettre fin à 6 ans de violents affrontements et accède à l'indépendance. Cette île de la Méditerranée orientale, qui en 4 siècles a connu de nombreuses tutelles, a réussi à trouver un compromis entre les revendications de la majorité grecque, celles de la minorité turque et celles de la puissance coloniale britannique, ouvrant la voie à une émancipation qui sera définitive dans un an, soit le 16 août 1960. Bien qu'il n'ait pas obtenu leur attachement à la Grèce comme il le souhaitait, l'archevêque Mikhaïl Makarios III, président de l'île, a donné son aval à l'entente. Alors, après 1087 jours d'exil, il rentre sur son île en bienfaiteur. Vêtu de son sticharion, la soutane noire des religieuses orthodoxes et coiffé de son klobouk, il s'installe dans une traction décapotée. À la place des passagers, debout, il salue la foule en liesse. Voiture de police, garde du corps à pied, moto de sécurité, le cortège est complet et ne peut qu'avancer au pas, tant la foule est dense. Makarios profite de ce trajet entre l'aéroport et la capitale, Nicosie. Pour se rassurer, il a fait le bon choix, l'indépendance. Et il vient de transformer la vie de 500 000 personnes. À Nicosie, les carillonneurs et les chypriotes grecs ont attendu toute la nuit, juste pour vivre cet instant. La moitié de la population de l'île est présente, il n'y a plus assez de place dans la rue, les balcons sont envahis, les fenêtres sont occupées, le moindre vasistas en hauteur, le moindre poteau téléphonique est pris d'assaut, les gens sont juchés sur les fontaines, ils accourent d'un point à un autre dès que le cortège change de direction, les cloches sonnent, c'est l'euphorie, les policiers ne savent plus où donner de la tête. L'ethnarque de Chypre est littéralement adulé. Makarios, protecteur de la République, peut-on lire sur les pancartes. Et quand le cortège arrive sur la place du centre-ville, celle-ci est noire de monde. Makarios entre alors dans l'archevêché, monte au balcon et, tel un tribun, prend la parole, silence se fait. Suivez-moi vers la liberté, Chypre est libre. Dans toute la ville, des groupes se forment autour des postes radio pour suivre religieusement le discours de Makarios. L'événement est tellement solennel. Plus qu'un an à patienter avant l'indépendance, le temps que les Britanniques lèvent le camp, le temps aussi qu'ils libèrent tous les prisonniers de Leuka, ce mouvement clandestin de résistance qui a lancé la rébellion au début des années 50. Mais cette joie non contenue occulte les éventuels problèmes à venir. Les Anglais sont encore là pour un an, et l'indépendance n'est pas l'énosis, ce rêve de rattachement à la Grèce que les Chypriotes grecs réclament depuis tant d'années. Et puis, il y a un grain de sable dans les rouages. Le traité fait du Royaume-Uni, de la Turquie et de la Grèce, c'est les États garants de l'équilibre constitutionnel et leur accorde donc à chacun un droit d'intervention militaire sous condition. Voilà comment naît une nation sans unité sous le nom de République de Chypre. Par l'accord de Londres du 19 février 1959, chacun se résigne à une formule sur une base communautariste. Un président élu par la communauté grecque, Monseigneur Makarios en l'occurrence, un vice-président élu par la communauté turque, Fazil Kutchuk. Quant aux Britanniques, ils conservent deux bases militaires, à Kotiri au sud et Dekelia au nord. Et ce n'est pas rien. Il est convenu, côté législatif, que le Parlement sera composé à 70% de Grecs et à 30% de Turcs et que la garde nationale sera encadrée par des officiers grecs. Un nouvel équilibre qui est loin d'apaiser les relations entre les deux communautés. La preuve, après 3 ans d'indépendance, le Turc Çukuk et le Grec Davis émettent déjà des réserves sur le principe de la Constitution. La communauté turque, toujours nous voulons vivre ensemble et collaborer avec les Grecs, mais les Grecs n'ont pas oublié un notice et chaque jour, dans les journaux, dans le discours, provoque les Grecs contre les Turcs et ils demandent encore un notice. Le peuple grec appartient au point de vue ethnologique à la Grèce. Nous sommes des Grecs, alors c'est un sentiment tout à fait naturel de vouloir s'unir avec la mère patrie. Si les Grecs continuent comme suivi en politique aujourd'hui, la situation à Chypre de jour en jour va devenir très mauvaise. Enfin, s'il y avait demain une situation de violence, un affrontement sanglant oui, entre Grecs et Turcs, c'est une chose regrettable, mais peut-être c'est une chose inévitable. Quand un peuple veut sa liberté, il faut avoir aussi des victimes et des sacrifices. Le ton est donné. D'ailleurs, depuis 3 ans, Chypre est en proie aux tensions communautaires. 950 soldats grecs et 650 soldats turcs sont toujours présents, venus protéger leurs ressortissants pendant la période de troubles qui a précédé l'indépendance. Chypre est une cocotte minute. En 3 ans donc, ni les Turcs ni les Grecs n'ont avancé dans la conciliation. Chacun est resté sur ses positions. Nicosie, la capitale, est le réceptacle de toutes ces dissensions, bien sûr. D'un côté, un contingent militaire turc, rappelant qu'Ankara est l'un des 3 garants de la paix, invoquant chaque jour la mémoire d'Atatürk dans des défilés de troupes armées, arborant sa devise « Paix dans la maison, paix dans le monde ». Et là, à quelques centaines de mètres, dans la capitale chypriote, la seconde puissance tutélaire, la Grèce, qui évite soigneusement toute rencontre avec les troupes turques. Et enfin, les bases de l'ARF, Royal Air Force britannique, histoire de rappeler que Chypre est toujours membre du Commonwealth. Car Chypre, c'est cela. 5000 Grecs, 500 000 Grecs, éloignés d'Athènes, mais gardant la nostalgie de l'Énosis, ce rattachement de l'île à la mère patrie, face à 120 000 Turcs, le regard tourné au nord, vers Ankara qui les gouverne. Entre eux, un antagonisme plusieurs fois séculaire. Et puis le contingent britannique qui se pose en arbitre, mais qui au final n'arbitre rien. La Constitution n'établit pas une citoyenneté commune à tous les Chypriotes, mais une appartenance à une communauté orthodoxe ou musulmane, c'est-à-dire grecque ou turque. Et même si au pied des cathédrales gothiques, transformées en mosquées, visages grecs et turcs se côtoient, même s'il est possible à tout un chacun de boire un ouzo à la terrasse d'un café grec et de traverser la rue pour prendre un café turc, en toute sérénité, en toute sécurité, même si le président, Monseigneur Makarios, est optimiste. Votre béatitude, êtes-vous satisfait de l'état actuel des relations entre les deux communautés cypriotes? Les relations entre les Grecs et les Turcs de Chypre sont bonnes. Le rôle de quelques éléments extrémistes dans les deux communautés est pernicieux, mais je suis sûr que petit à petit ces relations s'amélioreront. Êtes-vous disposé, votre béatitude, à satisfaire tous ceux qui réclament un référendum d'autodétermination? D'après la Charte des Nations Unies, l'application du principe d'autodétermination doit être universelle. Mais le vice-président turc et le représentant chypriote grec sont plus sceptiques que sa béatitude. Aucun renoncement à l'énosis n'est envisagé côté grec. De leur côté, les Turcs affirment, si les Grecs réclament l'énosis, nous réclamerons le taksim, autrement dit, la partition de l'île entre les deux communautés. Makarios a accepté la constitution pour mieux la transformer, mais c'était sans compter sur la volonté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cette situation vacillante commence à perdre pied en juin 1963. Un Turc est assassiné dans une bourgade provinciale, de sanglantes bagarres s'ensuivent. Makarios profite de la situation pour proposer une série de 13 amendements. Il veut réduire le nombre de chypriotes turcs au Parlement. Il les considère surreprésentés. Le vice-président chypriote turc, lui, s'oppose évidemment à ce que la minorité perde ses droits. Alors il démissionne et Chypre s'enflamme. Une lutte violente commence dans laquelle chaque mère patrie, Grèce et Turquie, fournit à des milices nationalistes les armes et les encadre. Athènes refuse le partage. Ankara s'oppose au rattachement. L'énosis. Les deux pays envoient des renforts clandestins. Au mois de décembre 1963, la constitution chypriote se révèle inapplicable. Les violences intercommunautaires entre Grecs et Turcs s'enveniment. L'EOKA, l'organisation paramilitaire des chypriotes grecs fondée par le colonel Georges Grivaz, ce chef emblématique de la guérilla, se distingue par la brutalité de ses actions. Il attaque les quartiers turcs, incendie les maisons. Les populations turques sont obligées de s'enfuir pour se réfugier dans les villages environnants. La semaine noire, comme on l'a appelée, qui fait 134 morts, dont 108 chypriotes turcs et 20 000 nouveaux déplacés, dégénère en une véritable guerre intercommunautaire, comme le dit le vice-président turc Fazil Çukuk. En ce moment, on considère de ce côté-ci, du côté turc, l'autre côté, le côté grec, comme un ennemi, comme dans une guerre. Ah ouais, vraiment. Un vrai ennemi. Ouais. Parce qu'on a, les Grecs, ils ont fait tellement de misères à brûler des maisons, même des gens vivants. Alors, la haine est très grande, c'est pour cela que maintenant, on considère ici ces deux communautés comme des vrais ennemis. L'armée turque n'est pas en reste en ce qui concerne la violence. Elle utilise le petit port de Kokina, situé au nord de l'île, pour acheminer directement en Turquie des armes et des combattants. Et elle bombarde, tous azimuts, aussi bien les bases de l'EOKA que les villages alentours. Aucune cible n'est définie, civile ou soldat, peu importe. Les 64 avions lancent leurs missiles. 55 chypriotes grecs sont tués. On se bat dans Nicosie. Les murs des maisons sont criblés de balles. Les grenades pleuvent. On tue à coups de poignard, d'outils de boucher et de balles à bout portant. Nicosie est désormais coupée en deux. À la limite des quartiers grecs et turcs, la rue de l'Edora a repris le surnom dont elle avait hérité à la guerre de libération, The Murder Street. Les troupes anglaises, rassemblées à la hâte, tentent de maintenir à distance soldats, policiers et partisans des deux camps. Car la fracture chypriote est profonde, y compris au sein de la communauté grecque, entre ceux qui suivent la ligne du colonel Grivas, le militant fanatique, et les modérés qui suivent l'archevêque Makarios. En 1964, Chypre sombre dans la guerre civile. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a plus le choix. Le 4 mars, il recommande la création de la force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre. 2500 casques bleus sont envoyés pour s'interposer entre les différents groupes paramilitaires. Devant les troubles graves qui ensanglantent l'île depuis plusieurs mois, le 4 février 1964, l'ONU décide l'envoi d'une force internationale à Chypre. Le président de la République chypriote, Mgr Makarios en a finalement accepté le principe. Depuis 3000 ans, Chypre a connu une histoire mouvementée, subissant une succession d'invasions et de dominations étrangères. Romains, Égyptiens, Perses, Croisés de France, Génois et Vénitiens occupèrent tour à tour cette île, qui resta cependant de culture hellénique. Un mois après la décision de l'envoi d'une force internationale, le Conseil de sécurité vote une résolution tendant à trouver la solution capable de garantir les intérêts et la sécurité des Grecs et des Turcs vivant à Chypre. Chacun désavoue désormais la constitution de 1960. L'île d'Aphrodite a raté le coche de la paix. La situation est dite sous contrôle, mais surtout elle est sous tension. Σε τσιρά σου μην ευλαστάρει, νες κάψα σε τσεκρούσα σε έναν κουπάι γάρι. Νες κάψα σε τσεκρούσα σε έναν κουπάι γάρι, εξεζούμισα σε τσιρά σου μην ευλαστάρει. Τσιγάρι είναι τα φταίου σύντζουλοι κακολογούν τους τούτους τους. Σε βέγγιε σενάρο στο σονού του. Τούτου του παίζε βέγγιε σενάρο στο σονού του. Τσιγάρι είναι τα φταίου συντζουλίκα κολόνου. Κουλούσαν και τα μάνα του σαν ένα καμουλίραν. Ένα σκεφτούσε η θάλασσα γλωρία για πανία. Η θάλασσα γλωρία για πανία. Πουλούσιν και τη μάνα του σαν ένα καμουλίρα. Συντορά με αφορμή την κρίση να νιούν τρύπες μαγείρα μέσα να τους ρουφήσει. Μα νιούν τρύπες μαγείρα μέσα να τους ρουφήσει. Οι βραντζοκαμνούν συντορά με αφορμή την κρίση. Sensible, Fabrice Drouel. Cet homme qui éructe porte uniforme. Ce vendredi 21 avril 1967, Athènes se réveille stupéfaite. Plus de téléphone, pas de journaux. L'émetteur des forces armées, le seul qui fonctionne, diffuse inlassablement le même communiqué. L'armée a pris le pouvoir pour sauver le pays de la catastrophe. La loi martiale est appliquée, tout est interdit, sauf de se tenir absolument tranquille, bien sûr. Les colonels ont pris le pouvoir, c'est la dictature. Le Premier ministre, ainsi que tous les principaux leaders politiques de la gauche, du droit, de la droite et du centre, ont été arrêtés à l'aube. Le Parlement, le Palais Royal, les ministères, les bureaux de poste, l'aéroport, les gares, la radio, tous les centres nerveux sont cernés par l'armée. Même les banques sont gardées. Athènes est coupée de la province et toute la Grèce du reste du monde. D'ailleurs, la sidération de l'attaque paralyse toute réaction et les colonels exploitent à fond l'effet de surprise. Le couvre-feu est annoncé, la menace de tirer sans sommation sur le moindre contrevenant vide les rues. Athènes s'enfonce dans un silence impressionnant, ponctué de coups de feu lointains. La Grèce, le berceau antique de la démocratie, suffoque. Pour les opposants de gauche, les étudiants et les intellectuels s'ouvrent alors une période de déportation et d'emprisonnement. Et la torture devient une arme du régime. Makarios, président de Chypre, prend ses distances avec la junte. Son rapprochement avec le Bloc de l'Est envenime encore plus la situation. Ils ont essayé de me tuer en attaquant le palais présidentiel avec des mortiers et d'autres armes. Le palais a été démoli pendant l'attaque. Ils ont cru que j'étais tué. Et en effet, ils ont dit à la radio que j'étais mort. Mais vous le voyez, je suis vivant. Celui que le colonel grec appelle le Machiavel en soutane est devenu l'homme à abattre. Et Makarios fait face à des militaires très marqués idéologiquement, des nationalistes ultra, qui ont une vision très rétrograde du pouvoir. Ils interdisent les œuvres des auteurs antiques, oui, les pièces de Sophocle, les livres de Platon et d'Aristote. La junte décide alors de pousser le colonel Grivas à revenir dans le jeu chypriote. Grivas est l'un des plus fervents et farouches partisans de Lénosis, chef de Léoka, qui multiplie les tentatives d'assassinat. Alors, Chypre sombre dans la plus grande confusion. Son président est en exil, sa population est en ébullition. Un homme en profite pour se déclarer président, Nicolas Samson. Il se présente comme un ancien journaliste. Il est en fait l'un des tireurs d'élite de Léoka. Les colonels avancent leurs pions sur l'île. Mais la pression est trop forte. Makarios rejoint New York et devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, il dénonce le putsch. Je demande à toutes les grandes puissances, à tous les pays amis, à tous les peuples pacifiques, de soutenir la nation chypriote dans sa lutte pour son indépendance, sa souveraineté, ses droits démocratiques et dans son refus de se soumettre à la dictature grecque. Makarios veut que l'île reste indépendante, comme prévu par la constitution de départ, mais il est trop tard. Son pire cauchemar est en train de se réaliser. Le coup d'état militaire à Chypre aurait fait environ 300 morts, sans parler des blessés. C'est du moins ce que l'on dit de bonnes sources à Athènes. La situation dans l'île semble maintenant relativement calme, ce qui prouverait que les putschistes se sont bien rendus maîtres de la situation. Monseigneur Makarios, qui a pu s'enfuir, ne désarme pas pour autant. Après une escale à Malte, il est maintenant arrivé à Londres, où il doit s'entretenir avec les membres du gouvernement et avec le Premier ministre, M. Wilson. Puis, il se rendrait à New York, au siège de l'ONU, où le Conseil de sécurité s'est saisi de l'affaire de Chypre, Thierry Tsitivo. Les images que vous allez voir maintenant sont les premières qui nous soient parvenues de l'île de Chypre. Elles ont été prises avant-hier, c'est-à-dire le jour même du coup d'État à Chypre. Des combats avaient alors lieu en différents points de l'île entre la garde nationale, auteur du putsch, forte de 15 000 hommes, et les forces de police, fidèles à Mgr Makarios, forte de 5 500 hommes. Selon Athènes, ces engagements auraient fait 300 morts et un nombre indéterminé de blessés. Un pont aérien a été établi par les forces armées grecques pour évacuer les victimes. Autour de l'île, des bâtiments de guerre turcs montent la garde. L'histoire a parfois des renversements curieux. Les Britanniques, qui, il y a 18 ans, avaient arrêté et exilé Mgr Makarios aux Seychelles, lui ont sauvé la vie cette fois-ci. Le mercredi 17 juillet 1974, la junte militaire grecque organise un coup d'État. Sous couvert de concrétiser le rêve de Lénosis, rattaché Chypre à la Grèce, les colonels cherchent à instaurer une dictature similaire à celle qu'ils ont imposée dans leur pays. À Athènes, les chefs de la junte imaginent que la Turquie ne va pas bouger et que, comme en 64, les Américains vont s'interposer. Erreur. Non seulement Washington ne bouge pas, mais pire encore, cet assaut réveille les velléités territoriales stratégiques d'Ankara. Ainsi, à l'aube du 20 juillet, des milliers de soldats turcs appuyés par l'aviation débarquaient sur l'île. Nom de code officiel, opération pour la paix à Chypre. Officieux, opération Attila. Attila, le symbole est fort. convoquait la mémoire du fléau de Dieu du barbare qui a fait trembler l'Empire romain et tout sauf anodin. Et l'objectif est clair, faire main basse sur le territoire, faire du passé table rase, et prendre le pouvoir pour acter la fameuse Taksim revendiquée par Ankara en 1960, autrement dit, séparer le pays en une partie turque et une partie grecque, on appelle ça une partition. Chypre n'est plus qu'un terrain de guerre. L'armée chypriote et ses 10 000 soldats est rejointe par des contingents de toutes les puissances concernées, des Grecs, des Turcs, des Anglais et des 1400 casques bleus venant de 8 pays différents. Présent depuis 10 ans, l'armement est moderne, mais il est surtout prévu pour le maintien de l'ordre et les guerres opérationnelles du point de vue militaire. Cette opération, Attila, anéantit définitivement tout espoir de paix sur l'île. Parce que les morts se comptent par milliers, plus de 5000 en moins d'une semaine. Cette invasion réamorce la scission originelle entre chypriotes. L'armée turque occupe le terrain du nord, reléguant la communauté grecque au sud, chaque partie faisant face à sa mère patrie. Un exode interne qui vide les maisons de leurs habitants, laissant des villages entiers dévastés par les bombes, vides de toute vie. Le 24 juillet 1974, l'Europe, poussée par l'Amérique Kissinger et le Bruxellois Lutz, se réunit en conseil exceptionnel sous la houlette de Michel Poniatowski, le ministre français de l'Intérieur. Pour la première fois, les 9 pays d'Europe ont agi diplomatiquement en commun sous la présidence de la France. Et cette action a pesé d'une manière importante dans la solution qui a été trouvée. Monsieur Giscard d'Estaing, à cette occasion, a exprimé le souhait que cette action commune soit un début et une longue suite. Une déclaration qui pourrait résumer la malédiction qui a frappé Chypre avec cette attaque fatale et qui va devenir le problème endémique de l'île. La conférence tripartite entre les ministres de Grande-Bretagne, de Turquie et de Grèce débute le 25 juillet à 20h30 au Palais des Nations à Genève. Elle s'annonce difficile. À Chypre, le chef de la communauté turque de l'île estime que le président Makarios appartient à un livre d'histoire dont la dernière page a été définitivement tournée et que son retour est difficile à envisager. À Nicosie, l'atmosphère est électrique et dangereuse. Autour de l'aérodrome, des fusiliers marins turcs soutenus par des chars sont retranchés à 500 mètres seulement de l'extrémité des pistes, tandis que l'aérogare, lui, est occupé par des casques bleus de l'ONU. Les 3 ministres des Affaires étrangères ont sur le feu un dossier compliqué, on l'aura compris, explosif également, d'autant qu'ils ne sont guère d'accord sur le thème même de leurs négociations. Le nouveau chef de la diplomatie grecque, Georges Mavros, a clairement indiqué qu'il ne voulait pas pour Chypre ni partage, ni fédération, mais un simple retour à l'ordre constitutionnel d'avant le coup d'État et surtout... Il demande le retrait des troupes turques, qu'il accuse de violer quotidiennement le cessez-le-feu, ce que les Turcs refusent et nient, bien sûr. Quant au premier ministre britannique, James Callaghan, il n'a qu'un objectif, mais de taille, rétablir la confiance entre les deux communautés. Après les mois d'exil, Makarios revient une nouvelle fois triomphalement en Nicosie. En décembre 1974, il est de nouveau président. Ce n'est qu'en 1975 qu'un accord interviendra entre les deux parties. Un accord qui va sceller la division de l'île. Symbole de cette partition, la ligne Attila, dite ligne verte, qui sépare désormais la capitale en deux, au nord les Turcs, au sud les Grecs. Une ligne sous haute surveillance que seules les forces militaires ou les touristes peuvent désormais franchir. Pour alimenter leur antagonisme, les Grecs et les Turcs n'ont qu'à laisser parler des souvenirs que l'histoire a inscrits dans la conscience collective des peuples. Une histoire jalonnée de conflits, de peuples que la géographie rapproche mais que les civilisations séparent. Tout à la fois proches et hostiles, Grecs et Turcs n'ont cessé de se déchirer en se disputant une région tourmentée autant géographiquement que politiquement. Autour de ce détroit des Dardanelles, chaque point d'une carte complexe prend une dimension stratégique. Les premiers affrontements datent de la guerre d'indépendance par laquelle la Grèce a pu échapper à l'Empire ottoman. Toute l'histoire du XIXe siècle, jusqu'à la période de la Première Guerre mondiale, a été marquée par les conflits opposant les Grecs à une Turquie de plus en plus affaiblie. À l'occasion de chacune de ces crises, les grandes puissances sont intervenues afin de tenter de contrôler la situation dans une région qui est une des portes de la Méditerranée et le point de contact de deux continents. Makarios restera au pouvoir jusqu'à sa mort en 1977, mais il laisse derrière lui une île divisée. Le peuple chypriote a payé le prix fort de ce drame. Des centaines de milliers de Grecs sont brutalement expulsés par l'armée turque et déplacés dans le sud de l'île. La quasi-totalité des Turcs, eux, sont contraints de se réfugier au nord. Alors que l'Europe glose sur les jeux de la paix entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, elle porte en son sein un pays membre, occupé en partie par un pays supposé candidat depuis 2005, la Turquie. Si quelques points d'ouverture contrôlés par l'ONU ont été ouverts, permettant le passage des populations, l'île d'Aphrodite est depuis cet été 1974 toujours tiraillée avec une âme à la fois grecque, l'autre turque, tout à la fois orthodoxe et musulmane. Il n'en reste pas moins que si vous vous rendez à Chypre, notamment dans sa capitale, Nicosie, vous serez saisi par cette ligne qu'il faut franchir et qui coupe la capitale en deux, un peu comme Berlin entre août 61 et novembre 89, avec des différences notables, bien sûr. Mais on sait que la construction d'un mur réel ou d'une ligne imaginaire est toujours synonyme d'échec. Mais là, répétons-le, c'est au cœur de l'Union européenne que Chypre avait intégré le 1er mai 2004. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la partition de Chypre. Notre invitée Magali Gruel-Diodé. Bonjour. Oui, bonjour. Docteur en histoire contemporaine, spécialiste des questions européennes et internationales, actuellement enseignante à l'Université Lumière Lyon 2 et à Genève. Votre livre aux éditions L'Armin de Temps est intitulé Chypre et l'Union Européenne, mutations diplomatiques et politiques. Alors, l'invasion turque de 1974 a été déclenchée par le coup d'état des colonels grecs. Est-ce qu'on peut dire que pour Ankara, ça a été vraiment un prétexte? Parce que les Turcs ont toujours eu des vues sur Chypre. Alors, je crois qu'il faut expliquer que lorsque l'attaque de la junte militaire grecque à Chypre en juillet 1974, aussi bien la population chypriote grecque opposée à la junte que la population chypriote turque ont été assassinées. Les chypriotes turcs ont demandé de l'aide aux pays garants et seule la Turquie s'est proposée pour venir en aide. Elle est intervenue donc en vertu de l'article 4 du traité de garantie de 1960 pour sauver la population chypriote turque. Et donc, c'est à ce moment-là que 40 000 soldats ont débarqué sur l'île assistés de la force aérienne et militaire turque. Et le 23 juillet 1974, donc c'était la chute de cette junte grecque. Donc c'est cette première intervention, on va dire qu'elle a été plus ou moins comprise par la communauté internationale, mais c'est la deuxième intervention qui a été condamnée, puisque entre le 22 juillet 1974 et le 14 août 1974, des négociations ont commencé à Genève sous l'égide des Nations Unies en vue de garantir la restauration de la paix et le rétablissement d'un gouvernement constitutionnel à Chypre. Et ce fut en pleine négociation que la deuxième intervention turque surgit, donc le 14 août 1974. Donc c'est là que la Turquie a alors trahi la confiance de la communauté internationale et cette nouvelle intervention a été qualifiée d'invasion et de conquête du territoire. Alors, quel est le rôle de Makarios à cette époque? Est-ce qu'il croyait en l'énosis, cette union entre la Grèce et Chypre? Alors, il y a eu une évolution hein, dans les idées donc de Makarios. Makarios était en faveur de l'énosis, mais plutôt, on va dire, avant les années 60. Donc, c'est la raison pour laquelle il était assez réticent au départ à l'indépendance. Donc, il y a eu une évolution dans ses idées. Et donc, c'est surtout à partir de la dictature des colonels en 1967 que devinrent les relations entre la Grèce et Chypre relativement mauvaises. Donc là, il a abandonné l'idée de l'énosis et donc il a combattu pour l'indépendance de Chypre. Alors Athènes et Ankara s'intéressent de près à Chypre, bien sûr, évidemment, mais Washington et l'OTAN, j'imagine, parce qu'il faut rappeler la situation géographique et donc géopolitique de Chypre, qui est importante, hein, qui est au cœur de ce qu'on appelle l'espace de la Méditerranée orientale. Forcément, c'est une plaque tournante. Est-ce que les Américains aimeraient l'utiliser comme une sorte de porte-avions, vous voyez, un submersible à l'échelle d'un pays, quoi? Oui, tout à fait. Il est clair que Chypre a une position très stratégique pour aussi bien les Américains que pour les Anglais qui sont également bien présents sur cette île en tant que colonisateurs, anciens colonisateurs. D'ailleurs, donc, comme vous l'avez dit, dans la rubrique, les Britanniques ont les deux bases britanniques donc à Chypre. Et donc, Chypre est un emplacement stratégique à l'extrémité orientale de la Méditerranée qui sert de point de transit hein, pour les forces envoyées. Donc là, ils peuvent avoir vraiment une vue sur le Moyen-Orient et sur l'Asie. Donc c'est forcément de là d'où vient le problème chypriote, c'est sa situation stratégique. Oui, sinon on s'y intéresserait pas. J'imagine. On va continuer le fil historique avec quelques dates en complément de ce qu'on a dit dans le récit. En 83, donc nouveau rebondissement dans cette affaire chypriote, nouvelle attaque de la part des Turcs, ils autoproclament la zone turque, donc qui est une bande, hein, c'est la bande du nord qui va de l'ouest de Chypre jusqu'à l'est, mais dans sa partie nord. Et cette République Chypre du Nord, personne ne la reconnaît, hein, sauf les Turcs, puisque c'est autoproclamé par Ankara, et pourtant personne n'intervient. On a l'impression que tout le monde s'en fiche. Non, puisque les Nations Unies ont réagi. Les Nations Unies ont réagi avec la résolution 541 de 1983 et la résolution 550 de 1984, afin que aucun autre pays, donc à part la Turquie, ne reconnaisse donc la République turque de Chypre Nord. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc d'ailleurs, le nord de Chypre n'est reconnu par aucun autre pays que la Turquie. Ce qui n'empêche pas de la Turquie d'y être installée. C'est pas une sanction très dure, je veux dire. La sanction n'est pas dure, on va dire, pour la Turquie, mais elle est dure pour la population chypriote turque. Oui, évidemment. Alors, oui, et on comprend pourquoi, évidemment. Alors, 10 ans plus tard, je crois, en 93, une tentative de rapprochement gréco-turc est envisagée. Elle capote. Qu'y avait-il comme projet? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alors là, c'était un ensemble d'idées qui avaient été mises en place par le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali. Et avec le recul, le projet était plutôt bon, mais il a été refusé d'une part par le président Cléridès, le président chypriote grec Cléridès, qui était nationaliste, et Rauf Denktash, donc le leader chypriote turc, qui était également fortement nationaliste. Donc leur politique respective était trop agressive pour pouvoir arriver à un compromis. Alors en 99, nouvel essai, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, lance des discussions pour dénouer l'impasse, de longues négociations qui aboutissent en 2004 à un plan centré sur la création d'une fédération, la République chypriote unie. Mais alors ça, c'est une reconnaissance de fait de l'état de la République turque de Chypre Nord, au bout du compte. Non, c'est pas une reconnaissance, mais c'est une proposition de solution. Puisque là, on a proposé réellement une solution, et elle n'a encore une fois pas abouti. Alors, c'est un échec sur la scène internationale. Pourtant, et je parlais de 2004, ça n'empêche pas l'intégration de Chypre dans l'Union européenne avec 9 autres pays. C'est en mai 2004. Comment expliquer ce paradoxe apparent? Alors, en 1998, donc là, les négociations ont débuté pour l'adhésion de Chypre à l'Union européenne. En 1999, lors du sommet d'Helsinki, la Grèce fit pression pour que Chypre compte parmi la nouvelle vague des candidats à l'Union européenne. Donc, dans le cas contraire, la Grèce menaçait donc de mettre le veto sur les autres pays candidats, les autres pays de l'Est. Donc, ce qui n'arrangeait pas l'Allemagne non plus. Le statut de l'île divisée donc ne mettait pas finalement en cause l'adhésion. Donc la solution fut d'accepter Chypre sans résoudre le problème politique de l'île. Donc cette adhésion a été réaffirmée au sommet de Copenhague en 2002 et donc Chypre est entré dans l'Union européenne donc en 2004. Et il y a un autre point qu'il faut aussi ajouter, c'est que les États-Unis ont insisté pour que l'Europe accepte Chypre sans condition, pour ensuite, donc les États-Unis ont dit, pour ensuite accepter donc que la Turquie dans l'Union européenne. Donc ça, je pense que c'est vraiment une faute à mon sens, puisqu'il fallait résoudre le problème chypriote avant donc qu'il s'enfonce dans les sables mouvants. Et oui, parce qu'on a mis un pansement sur une plaie, on voit plus la plaie, mais elle existe encore, d'après ce que j'ai compris. Et ce que vous nous dites. Voilà. Et elle peut faire mal. On se retrouve dans 3 minutes, Magali Gruel-Diodé, après avoir écouté Enfant du Piret, Dominica. Brouillé de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Et à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. Et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde. Le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leurs bonnets oranges, tous les visages d'anges des enfants du pied. Je rêve aussi d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux. Le long des quais flâne toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, 10 amours, 1000 amours noyés de bleu. Et nos enfants feront des gars que des filles un beau jour à leur tour rendront heureux. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leur bonnes anges tous les visages d'anges des enfants du Magali Gruel, Dieu des... Donc, nous parlons ensemble de Chypre. On a vu l'histoire de Chypre, l'histoire de la partition. Voyons maintenant Chypre aujourd'hui. Donc, je rappelle que ce pays, cette île, est l'un des États membres de l'Union européenne depuis 2004. Un État membre comme un autre, hein, qui en assure la présidence tournante tous les 6 mois, comme les autres. Mais comment Chypre est-elle regardée au sein de l'Europe? Que pèse ce pays? Que pèse ce membre de l'Europe? Chypre est un pays touristique. Je crois que tous les membres de la communauté européenne et puis les autres voient cette île une terre paisible, on va dire, pour les vacances. Je crois qu'on se préoccupe pas beaucoup de sa situation intérieure, malgré que les casques bleus soient toujours présents, malgré la ligne verte, la séparation entre le nord et le sud. Donc Oui, je vous en prie, finissez, je vous en prie. Oui, donc dans les années 90, donc la République de Chypre se portait assez bien économiquement. Elle était une terre d'accueil pour le tourisme et tout se passait bien. Après, bien entendu, avec la crise de 2008, il y a eu plus de complications économiques et là, ça commençait à être un peu plus compliqué. Pour cette île. Et quelle est la situation économique de l'île de Chypre aujourd'hui? Un peu comme je crois tous les autres pays, là, l'économie n'est pas forcément très florissante à Chypre en ce moment. Alors ce que vous disiez tout à l'heure est intéressant concernant les vacanciers et l'image de Chypre. Vous vous souvenez lors de l'éruption du volcan en Islande, c'était en 2011, si mes souvenirs sont bons, avril 2011, avec tout un tas de touristes qui étaient bloqués un peu partout. Il se trouve que moi j'étais bloqué à Chypre, bon, il faut bien être bloqué quelque part, et je me souviens d'un... Vous allez voir, ça va faire écho à ce que vous disiez d'une scène à l'aéroport, quand tout le monde essayait de prendre un avion qui n'existait pas, donc on se retrouvait à des milliers dans l'aéroport, il y avait de la part des étrangers ici presque des émeutes pour ressortir, et l'ambassadeur français à Chypre est venu à l'aéroport et a dit à tous ces braves gens, dont nous, mais enfin, vous n'êtes pas dans un pays du tiers-monde à feu et à sang, vous êtes en Europe, dans un modèle occidental, et en plus ce pays fait partie de l'Union, mesdames, messieurs, l'Union européenne. Il fallait qu'il leur rappelle. Je ne sais pas ce que ça vous inspire sur l'image que peut avoir Chypre. Je pense que Chypre peut avoir une image assez orientale, donc c'est la raison, je pense, pour laquelle quand on est sur place, on voit peut-être plus un pays oriental, alors qu'il a quand même beaucoup de comparaisons aussi avec la Grèce. Bien sûr. Alors maintenant, il y a un voisin, évidemment encombrant. C'est la Turquie. Je dis encombrant parce que la Turquie est au centre des débats et des tensions en Méditerranée orientale en ce moment. Que cherche Erdogan concernant Chypre? Est-ce que pour lui, c'est un souci majeur ou non? Alors, Erdogan se voit vraiment, je crois, en grand sultan du XXIe siècle. Et depuis le coup d'État donc contre lui en 2016, son régime est devenu de plus en plus autoritaire. Donc, il a fait arrêter ses opposants militaires, fonctionnaires, juges, enseignants, beaucoup de journalistes, etc. Donc, toutes les personnes qui vont avoir des trop occidentalisées avec des idées qui ne sont pas les siennes, donc sont des menaces pour lui. Dans ses discours, d'ailleurs, il parle beaucoup de l'Empire ottoman, de sa grandeur. Et d'ailleurs, Erdogan souhaiterait modifier le traité de Lausanne, donc qui a été signé en 1923. Donc ce traité de Lausanne qui donc a mis en place les frontières actuelles de la Turquie. Parler de Lausanne, vous nous appelez de Suisse, je crois. Vous êtes à Lausanne oui. ou à... À Genève. À Genève, d'accord. Vous êtes à Genève. Alors, Chypre sera-t-elle jamais une terre de paix, autonome, indépendante, une nation comme les autres, ou est-elle vouée à rester une terre de convoitise? Je sais que c'est difficile de lire dans l'avenir, hein, dans la boule de cristal. C'est difficile, effectivement, de lire dans l'avenir, mais vu les prochaines négociations qui se présentent fin février, début mars, je crois qu'on ne trouvera pas une réponse facilement à la question chypriote. La République turque de Chypre propose dans ses négociations pour la première fois deux États à Chypre et ça donc ce sera forcément rejeté par la communauté chypriote grecque et par les Nations Unies également. On a vu donc au mois d'octobre que Erdogan donc a avec le nouveau président chypriote turc Ersin Tatar a ouvert la ville fantôme Varosha donc au nord de Chypre, donc cette ville qui est sous contrôle de l'ONU. On a un peu l'impression voilà que c'est encore une poussée vers d'autres territoires pour Erdogan. Et comment regarde Chypre les pays voisins, alors les pays voisins littoral donc en face hein, du côté est, Syrie, Liban, Israël. Quels sont les alors la Syrie est un cas particulier en ce moment, mais les rapports d'Israël avec Chypre, de Liban, du Liban avec Chypre. Alors il est clair que on a également donc le problème ou bien je ne sais pas si c'est un problème réel, mais ça peut être bien entendu vu comme un avantage, donc des forages de gaz qui ont commencé en 2011, et dans ce cadre la République de Chypre donc a signé donc un certain nombre d'accords avec justement l'Égypte, le Liban, l'Israël, la Jordanie, et donc tous ces pays sont ensemble dans la zone exclusive économique pour forer. Donc on voit bien que les rapports sont quand même assez bons avec les voisins. Il y a une communauté d'intérêts économiques, en fait. C'est ça. Alors, ça sera ma dernière question. On peut prendre un petit peu le temps pour y répondre. Il nous reste une minute et demie. Donc, à Chypre, si on est dans la partie grecque, qui est majoritaire hein, d'un point de vue géographique, le pays, est-ce que vous me dites, si vous me corrigez si je dis une bêtise, mais il y a un tiers, en gros un tiers turc au nord et deux tiers grecs, c'est à peu près ça la répartition géographique? C'est ça. Bon, d'accord. Plus les deux bases britanniques. Bien, alors, oui, exactement. Donc, quand on est chypriote, on vit soit à Limassol, à Larnaca, donc ça c'est ou à Nicosie, côté grec, ou alors on vit au nord, côté turc, ou à Nicosie, côté turc. Je précise d'ailleurs au passage que la ville côté turc de Nicosie est une très belle ville, sainte de murailles musulmanes, vraiment, vraiment très jolie. Bref, comment on y vit, on va sortir du tourisme quand même, comment les chypriotes vivent dans ce pays en partition? Est-ce qu'on peut, on disait que les touristes pouvaient passer la ligne, est-ce que les chypriotes peuvent la passer? Comment ça se passe? Alors, les chypriotes turcs qui sont en fait d'origine chypriote turque, donc qui sont nés sur le territoire chypriote avant donc 1974, ont pu à partir de 2004 avoir le passeport chypriote, et donc de ce fait depuis ils peuvent se rendre dans le sud pour y travailler également. et vice versa. Donc tout est possible. Par contre, donc c'est uniquement, on va dire en termes de travail. Voilà, mm-hmm. Ils vont se déplacer juste pour le travail. Le nord, voilà, ils vont peut-être ceux du sud vont se déplacer plus pour des raisons peut-être touristiques. Mais en tout cas, il n'y a pas énormément d'échanges. Il y a eu des tentatives de jumelage, notamment par la FIFA, pour essayer par le sport de d'avoir une détente entre les deux communautés. Mais c'est quelque chose qui a échoué. Ça ne marche pas. Non. Bon, merci infiniment en tout cas Magali Gurel Diodé pour toutes ces précisions, pour votre connaissance de ce dossier chypriote. Merci, au revoir. Je vous remercie, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la partition de Chypre. À la technique, il y avait Élise Christophe. Ha ha ha.